Comment faire les bons choix? Laissez-nous vivre tout simplement nos vies. Faut pas chercher la formule pour être heureux l'ami. On a tous fait les 100 pas, le cerveau en tsunami. Tu rêves de tout plein de choses, t'as ton tour de magie. Yeah. Pas de chaîne en or autour du cou, juste une grosse paire de couilles. Mais des hommes qui aiment la vie, le risque c'est qu'on s'érange les coups. On a donné de l'amour, reçu de la peine. Le plus grand des combats reste celui que tu mènes face à toi-même. On trim taf dur pour s'en sortir. Je suis pas de ces genres de types qui attendent fric pour te faire un sourire. Tu te sens mal, j'ai senti faire semblant, c'est mentir. Je veux m'enfuir de ce comportement qui me pousse à subir. J'amorce la bombe, frérot. Le déclic est lancé, faut foncer. Même quand la vie me taxe, je m'efforce d'avancer. J'ai trinqué entre le bien et le mal. Ma force vient de l'intérieur. Si je dois mourir, pas besoin de leur chiller par balle. On braille. Ah, comme des chiens errants, on a du flair dans les affaires. Frère, faut qu'on resserre les rangs. Les chances je les laisse faire, je préfère rester assis. Qu'on encaisse nos faiblesses en colère, j'en serai ravi. Notre univers n'est pas drôle et n'est pas si facile. Dites-moi pourquoi la drogue et puis les hommes fascinent. Écoute-nous, ça nous fait mal de voir autant de gens fragiles qui se battent pour affronter leur coup de blues. Notre univers n'est pas drôle et n'est pas si facile. Dites-moi pourquoi la drogue et puis les hommes fascinent. Écoute-nous, ça nous fait mal de voir autant de gens fragiles qui se battent pour affronter leur coup de blues. Parce qu'elle est batte l'époque, mais j'aime la narrer sur un Charleston. Quelle sale besogne quand les rappeurs ne parlent que d'armes et de rock. Banalise le sexe, on crache sur les valeurs morales. Voilà la vie des petits frères, la plupart craquent pour des faveurs d'occasion. J'ai besoin d'évasion pour libérer mes états d'âme. Fini les illusions dantesques, j'ai usé mes semelles sur la mauvaise pente. Je veux plus faire d'escalade, mais trouver des solutions en fait. Donc je ne me plierai pas devant les codes qu'ils imposent. J'ai investi mon temps à façonner qui je suis. J'ai encore beaucoup à faire pour défendre ma cause, car je fais partie de ceux qui voudraient vivre libre. On m'a pas laissé le choix dans le noir, ils m'ont parlé d'espoir. Des gens qui vivent fils, des gens qui vont cogiter le soir. Et ceux qui vont mourir iront saluer César. Chut, t'attends pas de perdre ta main si t'aimes caresser le mal. Notre univers n'est pas drôle et n'est pas si facile. Dites-moi pourquoi la drogue et puis les hommes fascinent. Écoute-nous, ça nous fait mal de voir autant de gens fragiles qui se battent pour affronter leur coup de blues. Notre univers n'est pas drôle et n'est pas si facile. Dites-moi pourquoi la drogue et puis les hommes fascinent. Écoute-nous, ça nous fait mal de voir autant de gens fragiles qui se battent pour affronter leur coup de blues. Puisqu'il faut vivre sans avoir le choix, j'avance en équilibre, les yeux fermés, me laissant guider pas à pas. Seul, muni de mes sens, je perçois un silence qui règne quand aveugles sont les confiances que l'on se donne entre frères. Mauvaise entente, mauvaise ambiance, lorsque la méfiance erre loin de mes attentes, ce que j'en pense, c'est qu'elle a sentence qui flaire. Le moine faut pas, le mensonge, la trahison, ce que je ne veux pas, ce que mensonge quitte ma raison, qu'il s'évapore petit à petit face à la réalité de la vie, qu'il ne demeure qu'invisible en face avec le paradis. Il ne suffit pas de croire, mais il faut vivre. Ce n'est qu'en côtoyant l'espoir que la patience se délivre. Il ne suffit pas de voir. Pour rester digne, un simple ressenti intérieur sera le narrateur de mon livre, expressif dans son récit. Dans sa parole décrit l'ensemble, explicite et sans répit, restera porte-parole de mes cendres. Notre univers n'est pas drôle et n'est pas si facile. Dites-moi pourquoi la drogue et puis les hommes fascinent. Écoute-nous, ça nous fait mal de voir autant de gens fragiles qui se battent pour affronter leur coup de blues. Notre univers n'est pas drôle et n'est pas si facile. Dites-moi pourquoi la drogue et puis les hommes fascinent. Écoute-nous, ça nous fait mal de voir autant de gens fragiles qui se battent pour affronter leur coup de blues.